Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Les éditions d'Ammaj ont le plaisir de vous présenter Durus al-Madina, al-Juz al-Thani, les cours de Médine, tome 2, une suite de cours donnée par le frère Khalil al-Martiniki, hafidhullah ta'ala, au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith al-Salafiyyat bi-Dammaj, au Yémen. Cours numéro 2. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux muslimoun. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن اتبعهم بالإحسان إلى يوم الدين أما بعد. طيب الآن سنصوب التمارينات التي أخذنا في درس سابق ونكوجي لإنفرسيس كما نفعل في أجوزي في درس précédent. Donc, en premier, les questions qui se rapportent au texte. Al-Awwal, Ajib, Anil Asilatil Atiya, répond aux questions suivantes. Min Eina, Ha Hisham. Innahu min al-Hindi. Wa Hisham. Hisham. Hashim. Hisham. ماش عندك انت؟ اين؟ درس الثاني؟ لا درس الاول هو نعم طيب عفوا كنت في درس الثاني هذا هو ايوه هاشم طيب ونفس السؤال من اين هاشم؟ انه من الهندي اي يحبه المدرس؟ ان المدرس يحبه طيب من أين ساعته؟ دو سا مونتر إنها من الهندي بكم هي؟ combien coûte؟ إنها بمئة روبية لا بمئة روبية نعم كم أخ له؟ combien de frères؟ لعله ثلاثة إخوة لعله لا ما أحتاج لعله أقول كم أخ له؟ إن له ثلاثة إخوة أيوة. كم أخت له؟ كميات الدسر له أربع أخوات أين أخواته؟ وصن سيسر إنهن بالمدينة نبوية طيب ثانيا ضع هذه العلامات أي الخط لتخي أمام الجمل الصحيحة وهذه العلامة أي صليب لكوا أمام الجمل التي ليست صحيحة. donc tu mets un trait devant les phrases qui sont correctes et une croix devant celles qui sont fausses. أولا هاشم طالب كسلان. est-ce que هاشم est un étudiant fainéant un cancre؟ ليس صحيحة. نعم. donc إذن صليب. هاشم طالب مجتهد يعني هاشم تنلف تجو نعم صحيح ساعته رخيصة سمونتر اي با شير نعم ساعته غالية صليب نعم فضل الفرص ساعته بألف روبية صليب نعم ساعته بمية روبية صحيح صحيح أخواته بالمدينة النبوية صحيح أخواته بالهندي صليب نعم طيب إذن قلنا ما سي كوا لو طيب avant ça il y avait un autre رقم كم ايوه طيب اقرا الجمل مع العدد والحركات تولي لي فراز اون ميتون لي حركات سور لي مو الا سي في ساعه في هذا 12 كما قلت كلمه الف اه لتر نعم هذا تلفاز تلفاز تلفاز بألف لا بألف ريالين ريالين عندي ألف دولار لا ألف دولار نعم عندي ألف دولار في هذا الكتاب في هذا الكتاب نعم مئة صفحة نعم بكم هذه الحقيبة هي بمئة ريال لا هنا بكم هذه الحقيبة بكم هذه الحقيبة هي بمئة ريالين بمئة ريالين بمئة ريالين نعم في هذه الكلية مئة طالب من باكستان ومئة طالب من إندونيسيا نعم طيب فما كان عمل إنا c'était quoi إنا ça fait quoi ça appuie sur ce qu'on veut dire ça le renforce si c'est une affirmation et ça renforce la négation si c'est négatif si c'est une phrase négative ومن حيث الإعراب par rapport à son statut grammatical qu'est-ce qui se produit lorsqu'elle rentre dans une phrase le nom qui est derrière il est mansoub il est mansoub moi وما اسمه اسم إنا نعم لو كان خبر يولي اسم إنا والخبر ما اسمه خبر إنا نعم وهو مرفوع هذيك اللي مرفوع طيب الآن سنخوض في الدرس الثاني طيب عندنا هشام وبلال أنا سأقرأ هشاما وأنت بلالا طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك يا أخي من الأخ كيف حالك يا أخي معروف كما vas-tu من الأخ يعني qui est le frère qui es-tu en fait ça dirait comme qui es-tu bien que l'oratène l'éternel parlant on dirait qui est le frère أنا مهندس جديد je suis un nouvel ingénieur اسمي هشام je m'appelle هشام أنا من الولايات المتحدة je suis des Nations Unies États-Unis أهلا وسهلا ومرحبا بك يا أخي أنا مسرور مسرور بلقائك أنا زميلك اسمي بلال بلال بن حامد أمن واشنطن أنت يا هشام فأهلا وسهلا ومرحبا بك يا أخي سي فورمول دو بيانفوني بيانفوني أ توا أو مون فرير أنا مسرور بلقائك je suis heureux de te rencontrer أنا زميلك je suis ton camarade اسمي بلال بن حامد je suis بلال le fils de حامد أمين واشنطن أنت أنت يا هشام es-tu de Washington أو هشام هشام يقول لا أنا لست من واشنطن non je ne suis pas de Washington إني من نيويورك et je suis de New York مسلم أبوك يا هشام donc est-ce que ton père est musulman ou Hisham Hisham يقول لا هو ليس بمسلمين il n'est sûrement pas مسلم وأمك مسلمة هي et ta mère est مسلمة Hisham يقول لا هي ليست بمسلمة donc Hisham dit non elle n'est sûrement pas مسلمة ألك أبناء يا هشام donc as-tu des fils ou Hisham هشام نعم لي ستة أبناء il dit oui j'ai six fils أطلاب هم sont-ils des étudiants لا هم ليسوا بطلاب non ils ne sont pas des étudiants إن بعضهم تجار وبعضهم مهندسون certes certains d'entre eux sont des commerçants et d'autres sont des ingénieurs Alaka banatun. As-tu des filles? Nam, li khamsu banatin. Oui, j'ai 5 filles. Amutazawijat hunna. Sont-elles mariées? Hicham yakoul la hunna lesna bimutazawijatin. Donc non, elles ne sont pas mariées. Inna hunna sigar. Elles sont certes petites, jeunes quoi. Ba'duhunna fil madrasati al-ibtida'iyya. Certaines sont à l'école primaire. Wa ba'duhunna fil madrasa al-mutawassita. Ça va, c'est le collège. Et certaines d'entre elles sont au collège. Alaka ikhwatun. As-tu des frères? La. Laysali ikhwatun. Je n'ai pas de frères. Inna li thalatha akhawatin. Je n'ai que 3 sœurs. Ou certes, j'ai 3 sœurs. Al-muslimatun hunna. Sont-elles des muslimates? Naam, hunna muslimat, walhamdulillah. Donc il dit oui, ce sont des muslimates, et la louange est à Allah. Donc on a, fi kalimat jadida, khazna, anna minel wilayat al-muttahida. Donc ça c'est les États-Unis, l'Afrique-Unis. Washington, Mardouf, c'est Washington. New York, c'est New York. Je sais pas pourquoi on écrit comme ça. Leïssa, où ça va venir, Inch'Allah, c'est le Moudour de Ders, c'est le sujet du cours. Aidan, Ada Fakat. Ma fi kalimatun jadida ghayr hadi. طيب تمارين يقول اجيب عن الاسئله الاتيه. Donc répond aux questions suivantes. Et pareillement, ces questions là sont relatives au texte. Fa hadha inshallah li yawm السبت. لان غدا ما في درس جمعه. الثاني ذو هذه العلامات اي الخط le trait امام الجمل الصحيحه devant les phrases correctes. وهذه العلامات هي الصليب الأخوة أمام الجمل التي ليست صحيحة. Donc tu fais la croix devant les phrases qui ne sont pas correctes. كيف الدرس الأول؟ هذا اللي غادي كذا اللي بعد غادي إن شاء الله. تمام. الآن ندخل في موضوع الدرس. Rendre le sujet du cours. وهو ليس ليس طيب ليس سي هو فعل سان فعل طيب ليس فعل طيب سان فعل ليس سان فعل وهو فعل جامد معنى جامد انه ما ياتي منه الى الماضي سي ان فيرب كي ني كو باسي يا با دو مضارع يا با دو امر طيب فعل جامد للماضي طيب جامد للماضي c'est-à-dire qu'il est il reste spécifique pour le temps du passé c'est tout. Tu ne trouveras pas ce verbe-là au mot d'aller ou à l'homme, ni au présent, ni à l'impératif, ni au futur. Et il se conjugue comme les autres verbes. À la fin, tu mets un domir. Vous voyez, à la fin, tu mets un domir, et ce domir, c'est lui qui te définira qui est, qui va commettre l'action. Leïsa, il est comme inna. De telle sorte qu'il rentre que dans les Jumla ismiya à la base, mutada al khabar. Et après, il change le sens de la phrase et il change l'i'rab de la phrase. Masalan, tu dis Mohammed, tayyib, qa'imun. Mohammed est debout. Mohammedun, mutada. Qa'imun, khabar. Si on avait mis inna, on aurait dit Inna Muhammadan Qa'imun. Ça aurait été Muhammad, il est devenu Ism Inna. Et Qa'imun, ça est devenu Khabar Inna. Maintenant, on va mettre Leïsa. Leïsa, c'est un verbe. Yufidu el nafi. Négation d'une chose. Vous voyez ? Je ne suis pas. Tu n'es pas. Il n'est pas. Maintenant, on va rentrer Leïsa dans cette phrase. Kulna Mohammedun Qa'imun. Maintenant, on va rentrer Leïsa dans la phrase. Ça veut dire Leïsa Mohammedun. Qa'iman. Ça va faire le contraire de Inna. Vous voyez, ça va faire le contraire de Inna. Inna, c'est le. Son ism, il devient mansoub, et son khabar, il est marfour. Ben, Leïsa, c'est le contraire. Son ism, il est marfour, et son khabar, il est mansoub. Enfin, attention. La Mohammed, c'est pas un fa'il. Ça s'appelle ism Leïsa. Comme on avait dit pour Amma Inna Ism Inna, ben lui maintenant il est Ism Leïsa, et quand Iman il est Khabar Leïsa. Vous voyez ? Donc Ism Inna Ism Leïsa, Mayarabuhu Marfoua. Wa Khabar Leïsa, Yarabuhu Mansoub. Vous voyez avec la Fatha ou ce qui prend sa place. Donc maintenant, la phrase elle a changé deux sens et dans la grammaire. Avant c'était Mohammedun Qa'imun, Mohammed debout. Après on dit Laysa Mohammedun Qa'iman, c'est-à-dire Mohammed n'est pas debout. Vous voyez ? Là ça échouvide un nafi. Tout le temps. Laysa yufide un nafi. On peut dire Mohammedun Laysa Qa'iman ? Non. Ça change rien du tout. Bah, ça fait que Mohammed il va redire Muqtada et le ism Laysa c'est un damin Moustatir. Mais le sens c'est le même. Tayeb. Illa annahum, eux dans le livre, ils n'ont pas fait comme ça. Eux, ils n'ont pas mis l'origine, c'est ça. C'est ism inna, ism laysa afwan, marfou, wa khabar laysa, mansoub, laysa Mohammedun qa'iman. Selon eux, ils n'ont pas fait de dans cet ordre-là. Eux, ils t'ont mis quoi ? Avec un hafouja. Bi. Leïsa, je disais qu'alors, Mohammedun bi qa'imin. Voilà comment ils ont fait. À la base, il n'y a pas de harfoujar. C'est Leïsa Mohammedun qa'iman. Mais souvent, très souvent, tu vas voir Leïsa, son khabar, il va être précédé par un harfoujar bi. كما مثلا في قوله تعالى أليس ذلك بقادرين على يحيى الموتى طيب بقادرين يا avant c'est quoi ليس là le ism shara il revient à Allah subhanahu wa ta'ala eux ils ont traduit j'aime pas trop je sais pas ça fait un celui-là tu vois mais bon la traduction je pense pas qu'elle soit en tout cas le ism shara il revient à Allah pour dire que Allah n'est-il pas apte à refaire vivre revivre les morts capable de faire vivre les morts, et ils ont mis bi qadirin. C'est la même chose. Et ce bi-là, c'est un harf jar. Vous voyez ? Ça s'appelle harf jar zaïd. C'est-à-dire à la base, on n'a pas besoin de lui. Il est juste venu pourquoi ? Pour. Comme il a un peu, il appuie la chose. C'est dans la langue des Arabes, c'est plus éloquent. Et c'est plus fort. Par exemple, si tu dis Mohammed, si on traduit la phrase en bi, laïsa Mohammedun qa'iman, c'est-à-dire Mohammed n'est pas debout. Et si on met le bi, Laysa Mohammedun bi qa'imin, c'est Mohammed n'est sûrement pas debout. Vraiment pas debout. Vous voyez, le sens est le plus fort. Mais le sens c'est la même chose, c'est juste qu'avec le bi, c'est plus éloquent et ça appuie, plus la négation. Et ce harfouja, le bi là, vous voyez, c'est harfouja za'id, c'est harfouja qui est rajouté. À la base, on n'a pas besoin de lui. Vous voyez, point de vue, il y a des harfouja. Elles ont une. C'est obligé de les mettre dans certaines phrases. Par exemple, tu as dit Mohammed Zahaba il est le masjid. Il est là, c'est Al-Fujar, tu es obligé de la mettre. Mais là, dans cette phrase-là, on peut s'en passer. Je ne dis pas il ne sert à rien. Tu vois, on ne peut pas dire il ne sert à rien. Surtout encore moins dans le Coran. Dans le Coran, même si ça s'appelle Sile Toki, ça veut dire il est là. Dans autre que le Coran, on ne peut pas le mettre. Dans le Coran, il a chèque que Allah, s'il l'a mis, c'est qu'il y a une raison, tu vois. Mais c'est pour dire que ce n'est pas Al-Fujar, l'azim. Un dont la phrase. Elle n'a pas le sens si tu l'enlèves. Sinon, on pourrait l'enlever, on pourrait mettre Lesa Mohamedun Qa'iman. Seulement, on l'a mis là. Et eux, dans le livre, ils ont mis que avec Harfoujar, comme tu as pu le voir dans le texte. Donc, ça s'appelle Harfoujar Zaïd. Vous voyez Zaïd. Et Qa'im, là, il est Majrour. Mais l'origine, c'est comme je t'ai dit, il est Mansoub, Khabar, Laïsa. Là, ils l'ont pas mis dans le livre, mais je te le mets pour que tu saches l'origine de la chose. Parce que ça, à la base, c'est un surplus. Donc, vaut mieux que tu prennes l'origine de la chose et après le surplus. Eux, je sais pas pourquoi ils n'ont pas commencé par Qa'iman directement. Mais sinon, Kitab 3, ça va venir. Mais bon, ils ont mis comme ça. Donc ce Bé là, vous voyez, et il n'y a que Bé hein, qui vient, de ce que je sais. Après Leïssa, il n'y a pas Fi, il n'y a pas Alas, c'est tout en Bé. Zaïd. Attends, je cherche un exemple. Il y a Mine aussi qui est Ravdir Zaïd, mais Mine, il ne vient pas après il. Après Leïssa, de ce que je me rappelle, le seul Harf Jar Zaïd qui est, c'est Bé. Harf. Harf. Jar. Zaïd. Donc le Khulasa, c'est que l'Issa, c'est un fier jamid, voyez, qui rentre dans la jumla ismiya et qui donne une négation de la chose. Maintenant, nous, on a pris des exemples avec Ism Zoy, Mohamed. Dans le livre, il va donner des exemples avec quoi? Avec Adamir. Avec Adamir. Il est où? طيب مثلا ثالثا يقول تأمل ما يلي ميديت سو كي سوي حامد طالب حامد تنتجون après il dit حامد ليس بطالب donc là c'est حامد n'est sûrement pas un étudiant, c'est le contraire. الطلاب صغار les étudiants sont petits. الطلاب ليسوا بصغار voyez, donc les étudiants ne sont sûrement pas petits. Là, on regarde, on a le wawu jama'a qui est venu. Et là, le wawu jama'a, dans cette phrase, laysu bisirar, c'est pas un fa'il, mais c'est un ism laysa. Voyez, c'est ism laysa. Et à la base, le khabar, c'est bisirar, seulement ils ont mis le hafouja. Donc, il n'y a pas de nans, tu vois pas de nans. Là, les mashurur à cause du ba'. Mais l'origine c'est et tout lève les sous si rare. Donc là le waouh, ce verbe se conjugue comme les autres verbes. Les tout, les ta, les sti, les tout, les tout na, les rels alika. Il se conjugue comme les autres. Tu mets domir à la fin. Aminatou tabibatoun. Donc Amina est un médecin. Mais ça c'est toujours masculin en français. Tu dis pas une médecine, ça, je sais pas. Tu dis une doctoresse, tu dis pas une doctoresse. Une doctoresse, ça dit pas du docteur. Ça dit pas doctoresse. T'es sûr? Non, on dit le docteur. Ah, donc j'ai compris, je crois qu'on dit doctoresse. Oh, non, ouais. Très, en tout cas, non, ma femme. Aminatou, tabibatun. Donc Amina est un médecin. Aminatou, leysat bi tabibatin. Donc Amina n'est pas un médecin. Mais là, comme il y a de beurre, on va plus affirmer, il n'est sûrement pas un médecin. Ou n'est point. On peut dire aussi n'est point un médecin. Je crois que c'est plus proche. Et là le T là, Leysat, c'est quoi ce T? T'anif. Ah oui, c'est la même. T'anif et Sakina. Qui vient pour démontrer que, à la base, le fa'il, le mu'annaf, sauf que là c'est pas un fa'il, c'est un ism Leysa. El fatayatu mutazawajatun. Donc les jeunes filles sont mariées. El fatayatu lesna bi mutazawajatin. Donc là, les jeunes filles ne sont nullement mariées. Et là, lesna, c'est quoi le noun là? Nous n'y soit. Ça s'appelle nous n'y soit, comme on l'avait pris dans le kitab. C'est un domir, pareil. Là, il est ism inna. Anta kabirun. Tu es grand. Anta leista bi kabirin. Donc, tu n'es nullement grand. Tu n'es pas grand du tout. Donc là, on a dit quoi à la base de anta? Lesta. Comme zahabta. Toyeb, lesta. Antum jududun. Vous êtes nouveau. Antum lestum jududin. Vous voyez, donc vous n'êtes point nouveau. Donc là, le domir, c'est Tum. Anti Fakiratun. Anti lesti bifakiratin. Vous voyez, le premier c'est tu es pauvre, et l'autre c'est tu n'es nullement pauvre. À une femme, moins de neuf. Antunna mujtahidatun. Vous êtes studieuse. Antunna lestunna bimujtahidatin. Vous n'êtes nullement studieuse. Vous n'êtes pas studieuse. Ana mudarrisun. Je suis un enseignant. Ana lestu bimudarrisin. Je ne suis pas un enseignant. J'ai dit étudiant au début. Non, c'est enseignant. Nahnu tullabun. Nous sommes, là c'est des étudiants là. Nahnu lesna bitullabin. Nous ne sommes plus nullement des étudiants. Mafoum ? Donc lesna, il est simple, le mana, et il est très souvent employé. Juste après, c'est savoir c'est quoi l'irlob de la phrase. Comment tu fais ça, son analyse grammaticale. Tanib rabi'an. Atril. Leïsa al-Jumal al-Atiya. Donc, toi, tu dois rentrer. Leïsa dans les phrases qui suivent. Awelen. El-Babu Mourolokund. La porte est ouverte. Keftakoul el-En. Leïsa al-Babu Mourolokund. Non, ou tu peux dire El-Bab, Leïsa, Mourolokind. Ou El-Babu, Leïsa, Mourolokind. Si on enlève le bœuf, c'est comme ça qu'on dirait. El-Babu, Leïsa, Mourolokind. El-Mau Barid. L'eau est froide. Al-ma'u laysa bibaridin. Non, donc l'eau n'est point froide. Hishamun maridun. Hisham est malade. Hishamun laysa bimaridin. Non, Hisham n'est point malade. Abi na'imun. Mon père est en train de dormir. Ou dort. Laysa abi na'iman. Non, tu peux dire Abil et Samaïm. Ou Binaïmin. Tomé le Harfoujar, c'est eux, c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent que tu mettes le Harfoujar avec le Bi. Adarsu Sa'boun. Le cours est dur, difficile. Adarsu Laïsa Bissa'ibin. Bissa'ibin. Bissa'ibin. Non. Donc le cours n'est pas dur, n'est point dur. Al-Masjidu Qaribun. Al-Masjidu Laïsa Biqaribin. Les Karibin. Les Karibin. Non. Donc là, la mosquée est proche, et après la phrase, c'est la mosquée n'est pas proche. On n'est pas proche. Al-Tiflu Jo'anu. L'enfant a faim. Al-Tiflu Laysa Bijo'anin. La. Laysa Bijo'anin. La. Laysa. Mektoub. Il écrit. Bijo'ana. Aïe, ouais, du mal à Bijo'ana. Voilà Bijo'anin. Ça, c'est un wasf avec un iphonoun. C'est une description avec un iphonoun à la fin. Enfin, attention, là. Donc l'enfant, sur mon point ça. Ikra al-misalein soumatri leïsa à la jumal atiya. Donc les deux exemples. Ensuite, insère leïsa dans les phrases suivantes. Hua tajirun. T'as Hua leïsa bi tajirin. Hua, c'est-à-dire là, c'est un commerçant. Et après, c'est ce n'est pas un commerçant. Huwa min al-Yaban, il est du Japon. Huwa laysa min al-Yaban. Et là, il n'est pas du Japon. Attention, dans le deuxième exemple, Huwa laysa min al-Yaban, le min là, c'est pas harf jar zaïd. On en a besoin celui-là. Est-ce que tu peux dire Huwa laysa al-Yaban ? Ça n'a pas de sens. C'est pas comme le bec en haut. Le bec en haut, on peut l'enlever. Mais le min là, c'est un vrai harf jar. Yeb asli. Attention à ça. نعم تفضل السيارة جميلة السيارة ليس جميلة ليس بجميلة نعم ليست ليست بجميلة نعم أنا غني je suis riche أنا ليس بغني attends juste le truc. Je sais pas pourquoi ils ont mis le deuxième exemple là. J'ai pas compris. Ouais, je vois pas le rapport. Peut-être qu'ils veulent qu'on rajoute nous aussi. Alors tu dis Essayara Jamilatun. Tu dirais Essayara Lesat Bijamilatin. Et après tu dis Hiya Min Salen Faransa. Après tu dirais Hiya Lesat Min Faransa. Je pense que c'est ça qu'ils veulent qu'on rajoute de nous-mêmes. Toi, tu avais dit quoi alors, ana ghaniyun? Je suis riche. Ana laysa bi ghaniyin. La. Comment tu dis ana laysa bi ghaniyin? Ana laysa ghaniyun. Tu es obligé de mettre un isme, laysa après laysa. Si tu dis ana, ça veut dire quoi? C'est comme si tu disais ana zahaba il masjid. Lestu. Aïwa. Ana lestu. Ana lestu. Non. Ana lestu bi ghaniyin. On va rajouter. Ana, مثلاً, min Faransa. Je suis de la France. Ana lestu min Faransa. Non, je ne suis point de la France. Anta faqirun, tu es pauvre. Anta lesta bifaqirin. Faqirin. Faqirin. Anta lesta bifaqirin. Non, le med est sur le ya. Donc tu es riche et l'autre c'est tu n'es point riche. Antamin, Antamin el Jazair, tu es d'Algérie. Anta lesta min Jazair. Non, tu n'es pas de l'Algérie. Hiya, ah bah tiens, elle nous ramène. Hiya min el Iraqi, elle est d'Irak. Hiya laysat min el Iraqi. Non, voilà, il a mis avec le mine. Il en a mis un seul apparemment. Puis ouais, il faut je vérifie. Il y en a avec fille aussi. Il en a mis un seul. Enfin, Inch'Allah. Nahnu askiyaou. Nous sommes intelligents. Al-Mabarik. Nahnu lesna bi-atkiyaou. Bi-atkiyaou. Biatkiya'in. Biatkiya'an. An. C'est quoi la harakat de askiya'? Nahnu lesna bi askiya'un an in ou ou a in. I. I la. Mawa i. Askiya'. Dans quel bab il rentre? Aïwa, bi askiya, mis ulama, fukara, taïb, arnia, ouzara, il est azalika. Houa, azabun, il est célibataire. Houa, laïsa, bi azabin. Non, il n'est point célibataire. Al-mudarrisuna, fil fusuli, les enseignants sont dans la classe. انتبه للضمير المدرسون لستم لا هذا غائب ما تشبه غائب لا يوجد هذا ليس المخاطب Laïsa. Un jam. Jam ghaib, c'est quoi? Et vous dites souna. Si tu mettais le fier d'ahaba, tu dirais quoi? D'ahabu. Donc tu fais pareil avec Laïsa. Laïsou. Laïsou. Filfasli. Filfusouli. Filfusouli. Non. Anta ou anti zakiyatun, tu es intelligente. Anti lesti zakiyatun bidakiyatin. Non, tu n'es pas intelligente. Antum kibarun, vous êtes grand. Antum lestum bikibarin. Non, vous n'êtes point grand. El talibatu fil maktabati, les étudiantes sont dans la bibliothèque. El talibatu. Tout. Aïe, ouais. Laïsouna. Laïsouna. Laïset. Laïsouna. Ça, c'est Roy. Il y a Laïsna. Non, ni soit, papa. comme Anissa Zahabna. La Talibat, Lesna. La Kanoun, Fakot. الطالبات لسنا في المكتب في مكتبتي. أنتن طالبات جدد. Vous êtes des étudiantes nouvelles. أنتن لستن طالبات جدد. بجدد. لا. دي. لستن طالبات. لا لا لا خبر ليس على بس من الطالبات سليك يقول حرف جر أنتن لستن طالبات بي طالباتين نعم جدودن لا نعت جدودين لا نعم أنتن لستن بطالبات جدودين هكذا طيب سي سامبل لا لا بس كيف يقول مني Ils ont mis le Moutada, ils l'ont remplacé. S'ils l'avaient enlevé, ça aurait été plus simple que, par rapport aux exemples que moi je t'ai mis, mais ils n'ont pas fait comme ça, eux. Tahra, Inch'Allah. Sa'adisan, Adib al-Asilatil A'atiya bin Nafi Mustarmalan Leïsa. C'est-à-dire, répond aux questions suivantes par une négation en utilisant Leïsa. Et là, tu vas le faire sans bi. Vous voyez, on va le laisser d'origine. Avec ism leysa ou khabar leysa. On a dit ism leysa il est marfou, ou khabar leysa il est mansoub. Eh, muhandisun abouka. Abi. Yakul la. La. Abi leysa muhandisan. Naam. Eh, mudarrisatun ummuk. La. Ummi leysat mudarrisatan. Naam. الطلاب إخوتك لا إخوتي ليسوا أيوة طلابا نعم ممرضات أخواتك اسكتي سير فون les soignantes. J'ai oublié de le traduire pour les autres, mais bon, c'est des phrases simples. La khawati lay lesna. Nam, lesna. Lesna umarridatin. Là, tu vas dire umarridatin. Umarridatin. Le djem mouanes feida, comme tu verras plus tard, c'est pas sujet du def. Le djem mouanes salim, quand il est mansoub, c'est pas qu'une fatha. Il est parmi les choses qui sortent de l'origine. C'est avec une kasra. Taïeb, ça viendra après, Inch'Allah. Taïeb. Un mudarrisoun, anta, es-tu enseignant? La. Lestu, ana lestu, mudarrisan. Ajududun, antum. La. Est-ce que vous êtes nouveau? Nahnu, lesna. Lesna. Lesna. On doit bien différencier que nous n'y soyons. لسنا جدودا نعم أجديدة سيارتك est-ce que ta voiture nouvelle neuve لا سيارتي ليس ما لست لا je l'ai dit tout à l'heure لسنا là c'est غائب مؤنث مفرد c'est un singulier féminin absent. Qu'est-ce que tu as coulé ? Laïset. Non. La siyarati laïset jadidatan. Non. La fonce à la ? Non. Taïeb. Il y a coulé ça bien. Je vois dire où le mudarrisou il est coulé mine tout l'aib. Asilatan, il y a coulé jawabouha bin nafi. Ou il y a roudu alihim. Ou il y a roudu alihi. Et talibou, moustamelen laïstou. Nahou. C'est-à-dire que. Celui qui donne le DERS, le prof, il donne des questions dont la réponse doit être une négation avec l'Aïssa. Masalem, Akullak. E. Anta. Min. Tunis. لا أنا لست من تونس. On peut supprimer le ana, dire directement la lestu min tunus. Je peux supprimer le ana. Anta akhu Ismaïla. La lestu akhu Ismaïla. La lestu. C'est une question piège là. La. Laisse cette question là. Anta صاحب إسماعيل هو أنت صاحب عفوا إسماعيل لا لست صاحب إسماعيل نعم هنا صاحب مضاف إسماعيل مضاف إليه إسماعيل بكل الفتحة باسكو سان لا ليس مضاف إليه باسكو إلي من الصرف نعم Le « ach » à fond, j'ai oublié qu'on n'avait pas compris la règle du nosme avec le « ach ». Ça viendra dans le kitab, Inch'Allah. Tayyib. Voilà ma foum. Ça va? Tayyib. « El nukta jadida » On revient. Avec « inna ». امسح هذا وتكتب هذا اولا نعم طيب اكتبه طيب on se rappelle qu'on avait pris dans le mubtada et le khabar auparavant que le mubtada il peut être muqaddam ou muakhar il peut soit avancer ou afwan et le khabar muakhar et que le khabar il peut être le mubtada tu fais passer après le khabar tu fais passer avant le mubtada مثلا تدي لي ثلاثة مثلا إخوة طيب ثلاثة إخواتين جي تخوا فرير لا المبتدا اللي هو ثلاثة. هل المبتدا سي ثلاثة. طيب. إلي مبتدا مؤخر. إلي خبر مقدم. À la base c'est ثلاثة إخوة لي. Mais ça se dit pas. Maintenant si on entre inna, on va dire comment? Le mubtada il va devenir quoi? Maintenant? Il va devenir ism inna. Donc il va prendre son irlob. Il va prendre. Aïwa. Inna li. Thalathata. Ikhwatin. Ça, ça change pas. Et là, pareil, c'est ism inna mu'akha. Et la li, c'est khabar. Inna mu'kaddam. C'est les mêmes règles. Ce qui change, c'est la haraka. Toutes les règles qu'on a apprises dans Mubtada et Khabar, elles s'appliquent avec Inna. Elles s'appliquent avec la Allah. Elles s'appliquent avec Leïsa. Et les autres choses qui vont arriver plus tard, qui sont les choses qui rentrent dans Mubtada et Khabar, qui changent son irlob, sa grammaire. T'as même ? Donc c'est ça qu'il faut comprendre dans ce qui vient là. Le point qui suit, le dernier, Inch'Allah. Il dit Ikra al-misal thumma atril Inna al-jumal atiya. Mathalan yakul li salasu. Akhawatin. Pourquoi il a dit salasu et pas salasatu? Parce que akhawat. Non. Osluhu, l'origine de cette phrase, c'est salasu akhawatin li. À la base, salasu le mutada et li le khawar. Et là, on a fait quoi? On a fait un mutada mu'akhar. Vous voyez? On l'a déplacé. Et on a mis un khabar mukaddam. Comme on l'a appris auparavant. Donc maintenant, si on rentre inna, on dit inna li salasa. Akhawatin. Wa asluhu, son origine à la base, c'est Inna salasa akhawatin li. C'est l'origine. Ce mot-là, on a fait passer quoi le khabar devant الاسم اسم إنا. طيب يقول سا إن شاء الله تفقنا منهم أيضا الثامن في البيت سينا غدا ما في درس وما يبقوا إن شاء الله يعود يتم. طيب نخوذ الكلمات الجديدة نيكاؤن نيكاؤ سي رنكونتر طيب نيكاؤ سي رنكونتر نهر سي ان فلوف الجام سي انهار إذا القرآن تقول سوفون تجري من تحتهم الأنهار طيب دي فلوف مكتب البريد مكتب البريد سي لا بوست طيب لا بوست جيد سي كوم طيب سي بون كي شوز دو بيان دو بون برقية والجم سي برقيات سي ان تيليغرام طيب سي تيليغرام جيبون سي لا بوش اي لو جام سي جيوب مصرف سي لو تشانج لو تشانج لارجون لا موني اي جام سي مصارف مصارف دونك خلاصة درسنا اليوم دونك لو ريكابيتاتيف دو درس دوجوردي سي اون ابري ليسا طيب ليسا كي donne une négation à une phrase. Par exemple, tu dis laisse tout kaza, c'est je ne suis pas telle chose. Et on a dit que c'est un fi'l jamid, l'ilmadi, c'est-à-dire un fi'l qui ne s'utilise qu'à la forme du passé. Mais par contre, il accepte tous les doma'ir. Ana, laisse tout. Anta, lesta. Anti, lesti. Huwa, leisa. Hiya, leisat. Vous voyez ? Nahnu, lesna. أنتم لستم أنتنا لستنا هم ليسوا وهن لسنا et pour tous les domaires et on a dit que Leïsa il est parmi les choses qui rentrent dans le Jumla Ismiya qui à la base est Muntada et Khabar et que le Muntada il devient Ism Leïsa et il est Marfou et on a dit que le Khabar qui était à la base un Khabar d'origine il devient Khabar Leïsa et il est Mansoub et que très souvent on s'utilise avec un quoi حرف جر زائد بي مثلا تدي لستو بي سلام تاجرين اي سو بي كما اون دي il est là pour appuyer la, la, le sens de la phrase c'est partie de l'éloquence mais on peut s'en passer تمام الا ديك السؤال نعم طيب خلاص نكتفي بهذا ونقول الحمد لله رب العالمين